me dis pas qu'il faut sourire. Dis-moi plutôt, je veux mourir. Dis-moi, veux-tu aimer, me tuer, aimer, me vide, les yeux humides. Ne me dis pas qu'il faut sourire. Quand je te vois te revêtir, dis-moi, veux-tu, oh mon, veux-tu aimer me brise, aimer m'épuise. Si tu n'as rien de mieux à dire, contente-toi d'un long soupir. Tu n'as rien de mieux à faire que de reprendre tes affaires, comme je m'apprête à trop souffrir. Ne me dis pas qu'il faut sourire. Dis-moi plutôt de te maudire. Dis-moi, veux-tu, perds-moi de vue, que c'est la vie, que c'est ainsi. Puisque la vie va m'en les dire, pourrais-je me ravir? Si c'est le fin mot de l'histoire, et si la mer je dois la boire, puisque tu dois m'anéantir. Ne me dis pas qu'il faut sourire. Ne me dis pas qu'il faut sourire. Ne dis pas qu'il faut.